scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrey, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1963, deuxième émission. Lors de la première émission consacrée à l'année 1963, nous avons pu entendre Alfred Hitchcock présenter son film « Les oiseaux ». C'était au Festival de Cannes. Nous allons les quitter, ces oiseaux, monter beaucoup plus haut dans le ciel, puisqu'après tout, les années 60, c'est vraiment la course à l'espace. Une fois les Américains, une fois les Russes. Mais il y a Russes et Russes. Une Russe, c'est mieux. Le 16 juin 1963, la joie éclate en URSS. Francis Mercury au micro. Au rendez-vous de Valérie, Valentina était exacte. Et ce soir, une voix heureuse nous parvient du cosmos, une voix dont je vous laisse apprécier le charme, à peine voilé par l'écho de l'immensité qui l'entoure. Nous allons passer aux réactions d'abord, aux réactions dans le monde, car le succès soviétique constitue un très bel exploit. Le monde entier est évidemment séduit par l'inédit et l'envoi d'une femme dans l'espace était évidemment de l'inédit. Mais qu'en pensent les rivaux des soviétiques dans ce sport aux dimensions exceptionnelles? Eh bien, ce qu'ils en pensent, ce qu'en pensent les Américains, nous le demandons à Jacques Salbert. Les femmes américaines réagissent violemment au lancement dans l'espace de Valentina Tereshkova. Ce ne fut une surprise pour personne, tout le monde s'y attendait, car pour une fois, on connaissait les intentions soviétiques à l'avance. Ce qui n'empêche pas les femmes américaines d'avoir ressenti une profonde blessure d'amour-propre. Car ici, aux États-Unis, les femmes se considèrent toujours comme les descendantes des pionniers de la marche vers l'Ouest. Elles estiment avoir prouvé à maintes reprises au cours de l'histoire qu'elles étaient les plus audacieuses du monde. Or, depuis ce matin, c'est terminé. Jamais une femme américaine ne pourra dire qu'elle a été la première dans l'espace. Si encore cette cosmonaute soviétique était laide, affreuse, taillée à la faucille, mais même pas. Il paraît qu'elle est raisonnablement jolie, d'après les journalistes américains, souriante, féminine, et met même du rouge à lèvres. Les femmes américaines, qui ne se sont jamais considérées comme le sexe faible aux États-Unis, hélas, ont le sentiment d'avoir été trahies par leurs hommes. Et immédiatement, elles s'en sont prises au directeur de la NASA à Washington, qui se défendent comme ils peuvent. Nous n'avons rien contre les femmes, disent-ils. Loin de nous la moindre intention de discrimination. Et si nous n'avons choisi que des hommes, c'est uniquement parce que, pour l'instant, nous n'avons besoin que d'hommes. Réaction passablement misogyne aux USA. En France, peut-être, dans un magazine dit féminin, sommes-nous en droit d'espérer d'autres propos? Maintenant, il faut tout de même parler un peu des réactions de nos chères compagnes. Oui, des femmes du monde entier. Nous autres, les hommes, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être quelque peu inquiets devant cette explosion de chauvinisme féminin. Chauvinisme, le mot n'est pas trop fort. À vrai dire, c'est presque délirant. Et nous apercevons tout d'un coup que la solidarité féminine joue à plein dans le monde entier comme une sorte d'inquiétant réflexe et qu'on nous traite, ma foi, en ennemi, presque, à tout le moins, en adversaire. Chaque sexe étant engagé dans une sorte de compétition. Je n'exagère pas ou à peine. Hier, une Anglaise disait que Valia prenait rang aux côtés de Madame Curie et de Jeanne d'Arc pour la défense des droits de la femme. La duchesse de Bedford proclamait « Tout le monde, maintenant, va accepter le fait que les femmes sont au moins les égales des hommes. » Notez le « au moins ». Quelques réserves à peine chez la romancière Barbara Kaplan, qui notait en pensant qu'après tout, avoir un bébé était la seule chose qu'une femme puisse faire et pas un homme. Mais maintenant, c'est Sophia Loren et Gina Lollobrigida qui sont en mal d'espace. Sophia Loren espère bien, d'ici peu, que toute femme en parfaite santé, elle aussi, pourra vivre l'aventure de Valentina. Pour Gina Lollobrigida, elle a proclamé « Cet événement est une date importante dans l'histoire de l'émancipation féminine ». En Amérique, l'américaine Jerry Coops, qui est pilote d'avion et qui, depuis 3 ans, fait campagne pour que la NASA envoie une femme dans l'espace, Jerry Coops est désespérée. Elle a même été jusqu'à dire, elle, américaine, « Je suis pilote parachutiste, tout ce qu'on veut, peut-être vaudrait-il mieux, comme Valia, être ouvrière dans une usine de textile, ainsi que l'astronaute russe. Pour sonder les populations, en 1963 comme aujourd'hui, rien de tel que les micro-trottoirs ou les micro-métros. Le machisme n'a-t-il place qu'au micro des reporters ? Qu'en pensent les femmes et les hommes de la rue ou du sous-sol ? C'est dans le métro que nous allons recueillir la première impression. C'est à la poinçonneuse de tickets de service aujourd'hui, à la poinçonneuse de tickets qui passe donc son dimanche aujourd'hui sous terre, que je vais demander ce qu'elle pense d'une femme qui vient d'être lancée dans l'espace aujourd'hui. Je préférerais être dans l'espace parce qu'on découvre beaucoup plus de choses certainement que sous terre. Ah, vaut mieux faire la cuisine, c'est quand même plus la place hein, d'une femme. Bon, elle a certainement autre chose à faire qu'elle s'amusait à découvrir l'espace. Il y a suffisamment d'hommes sur la Terre pour se livrer à ce petit jeu. Femmes et femmes, à y s'en mêler. Le rôle de la femme est peut-être de rester chez elle tout de même. Si vous aviez à choisir entre faire la cuisine et aller dans l'espace, qu'est-ce que vous choisiriez ? Personnellement, mon caractère me dirait de rester faire la cuisine. Je ne suis pas une femme qui aime beaucoup l'aventure. Enfin, c'est personnel, mais je conçois que certaines femmes ont des dons susceptibles de mener cette tâche à bien. Ah non, j'aime être une femme d'intérieur. Mais l'aventure vous tente ? Oui. Quel âge avez-vous ? 19 ans. Madame qui pilotait une voiture de sport, qu'est-ce que vous pensez d'une femme qui vient d'être lancée dans l'espace, maintenant ? Maintenant, pourquoi pas ? Si elle a la résistance nécessaire. Si vous aviez à choisir... Il faut, je crois, une résistance physique, tout du moins une très bonne santé, une santé exceptionnelle et une résistance certainement très grande. Si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous le feriez ? Peut-être. Je suis du Verseau, alors. Je suis du signe de l'air. Ah, ça y est, c'est prêt. C'est fait, madame. C'est bon, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est magnifique, que les femmes sont aussi capables que les hommes. Oui. Ça ne m'étonne pas. Vous croyez que c'est leur place d'être dans l'espace ? Non, je ne crois pas en vérité, mais si je trouve que c'est très bien, je m'incline quand même devant la réussite et le courage de cette femme-là. Et si vous aviez la possibilité de faire ce voyage, de tenter cette aventure, est-ce que vous le feriez ? Oh, il n'en est pas question pour moi, monsieur. Mais si on vous offrait la possibilité. Je suis une grand-mère. Je veux crier ton nom à toutes ces demoiselles qui font des yeux si ronds qu'on se pâmerait devant elles. Je veux crier ton nom, crier sans remords, que mon seul compagnon c'est mon amour si fort. Crier ton nom à tous ces vénards qui suivent les boulevards en s'aimant tout au long. Crier ton nom te cherchant partout, qu'on me prenne pour fou. Je veux crier ton nom. Ces vénards qui suivent les boulevards en s'aimant tout au long. Crier ton nom te cherchant partout, qu'on me prenne pour fou. Je veux crier ton nom. Je veux crier ton nom. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1963. Dans les années 60, l'un des leitmotifs de l'homme de la rue était « On envoie des gens dans l'espace », ce qui sera actualisé dès juillet 1969 par « On envoie des hommes sur la Lune », et l'on n'est pas capable de régler tel ou tel problème ? Cela se disait sans doute dans toutes les langues et dans le monde entier, donc aux USA, donc en Alabama, état particulièrement observé aux USA comme partout sur la planète à cette époque-là. Voici un documentaire très remarquable sur l'Alabama en 1963. Au micro, Edith Lansac qui vous présente Le Monde est à vous, une émission du journal Parlé et des services artistiques de la radiodiffusion Télévision Française. I want you to know, surely, surely, we got a job, and we can't get freedom till we get through. Carry the cross, carry the cross. Qui, dans l'histoire des États-Unis, sera-t-il reconnu comme le plus grand président de l'Union ? Sera-ce le président de l'Américain dans la Lune ? Ou celui qui réussira à faire régner la paix dans son pays, c'est-à-dire l'égalité entre les Blancs et les Noirs ? Dans cette course à la déségrégation totale, John Fitzgerald Kennedy paraît avoir pris un bon départ. Et pourtant, la crise de l'Alabama, qui est celle des États-Unis, ne paraît pas encore résolue. Robert Cézé était l'envoyé spécial du Monde est à vous à Birmingham. Some of you might not hear us. Que s'est-il passé, que se passe-t-il exactement à Birmingham ? William Lathrop, président d'une compagnie d'assurance qui a participé au comité de négociation, nous l'expose. La loi fédérale des États-Unis, depuis le commencement de notre pays, a dit que les nègres et les blancs vivent ensemble, égales mais séparés. Cependant, avant de laisser parler M. Lathrop, je voudrais prévenir nos auditeurs. L'appellation « nègre » que fait M. Lathrop n'est pas péjorative. C'est la traduction littérale de « negroes » en américain, qui se traduit en français par « noir ». Mais dans 1954, la Cour supérieure fédérale de l'État-Unis dit « écoutez, ça ne marche plus. Maintenant, il faut vivre égal, malgré la couleur, malgré la religion, malgré n'importe où. Nous sommes toutes citoyennes de ce pays. » Et tout doit être égal. Mais chaque État dirige l'air, l'éducation, on dirige le système de voter. La chose, je veux dire que chaque État loi lui-même de l'État. Mais maintenant, depuis 1944, Alabama et tous les États du Sud, où il y avait beaucoup de nègres, n'acceptaient pas cette loi fédérale. Par exemple, la loi d'Alabama, c'est encore égal mais séparé. Est-ce qu'il faut obéir la loi d'Alabama ou la loi fédérale? Ça, c'est pas clair. Maintenant, on obéit, nous, les citoyens d'Alabama, on obéit la loi d'Alabama. La loi d'Alabama dit, franchement, égal mais séparé. C'est interdit, par exemple, pour un nègre manger dans un restaurant avec le blanc. C'est interdit pour les nègres aller à un hôtel pour les blancs. Il y avait l'hôtel noir, il y a l'hôtel, il y a les restaurants pour les nègres. Et en Birmingham, on a deux gouvernements à ce temps-là. Un gouvernement, un maire de Birmingham, mais on a un autre maire qui était élu parce que les villes n'étaient pas contentes avec le premier maire. Et le premier maire, il est complètement contre l'intégration. Il est complètement contre un concile ou un groupe biracial pour parler avec les nègres, pour regarder quel est le problème et comment on peut résoudre ces problèmes. En fait, les choses se sont précipitées depuis que nous nous trouvions à Birmingham. Aujourd'hui, le nouveau maire Albert Boutwell a remplacé l'ancien maire Arthur Haynes, le ségrégationniste qui marchait la main dans la main avec le terrible chef de la police, Eugene Bull Connor. Voici Arthur Haynes. 40% of the total population of Birmingham is Negro. We've coexisted here peacefully for 40% de la population totale de Birmingham est noire. Nous avons cohabité ici en paix durant de longues années. Nous n'avons jamais eu de problème sérieux. Et je pense que beaucoup de nos événements récents sont dus à des provocations venues de l'extérieur. Je ne suis pas certain que le communisme soit étranger à cette affaire. En fait, la vérité est que dans ces dernières années, les Noirs ont bénéficié d'un haut standing de vie à Birmingham. Une famille sur deux possède sa maison. Deux familles sur trois ont une automobile. 96% possèdent la télévision. Ils travaillent dans nos usines ici. Nous avons pour eux de très bonnes écoles. Pour Joyce Neely, étudiante noire de 16 ans, même si l'on obtient des diplômes dans ces bonnes écoles, ils ne servent à rien. Si vous avez un diplôme de sortie d'un lycée et que vous cherchez du travail, votre demande sera automatiquement refusée parce que la couleur de votre peau figure sur les demandes d'emploi de l'Alabama. Le seul travail que vous puissiez faire est celui d'enseignant. Vous ne pourrez obtenir un emploi dans un grand magasin ou dans n'importe quel autre bureau de Birmingham. On ne vous emploiera pas parce que la couleur de votre peau est noire. D'autre part, Joyce Neely a été arrêtée il y a 3 semaines, lors des événements. On l'a mise en prison. On lui a dit « Tu n'iras plus jamais en classe. Cela t'apprendra à vouloir manifester. » Eh bien, Joyce Neely est sortie de prison. Elle nous dit quelle est la situation des étudiants noirs. Je pense que les Blancs reçoivent une meilleure éducation que les Noirs. Je n'en connais pas les raisons, mais à mon avis, c'est une question de préjugés. Nous, par exemple, on ne peut apprendre seulement que le français et l'espagnol, alors que les Blancs ont un plus grand choix de langues étrangères. Nous, étudiants noirs, nous ne sommes pas du tout satisfaits et nous continuerons à ne pas l'être jusqu'à ce que nous ayons des avantages égaux, pas seulement dans le domaine de l'éducation et du travail, mais dans tous les domaines. Nous retournons vers le maire, M. Arthur Haynes, le maire sortant, qui a, lui, son mot à dire sur l'action prise par le gouvernement fédéral dans la crise de Birmingham. Nous ne voulons pas qu'on nous dise ce que nous avons à faire. Ce n'est pas une question de préjugés ou de haine, c'est une question de préférence. Je pense que ceci est vrai dans nos écoles, dans nos églises et dans nos associations. Il y en a qui préfèrent être avec les uns qu'avec les autres. Et si ce sont ceux qui désirent s'associer avec les Noirs, s'ils désirent les employer ou bien aller à l'église avec eux, eh bien, je respecterai leur choix. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent faire cela et qu'ils pensent qu'ils ont raison qu'ils doivent faire intervenir les troupes du gouvernement fédéral et me mettre ainsi l'épée dans le dos. La baïonnette dans le dos. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais en tout cas qu'ici, à Birmingham, Alabama, nous n'avons pas eu de bagarre raciale, nous n'avons pas eu de violence, et il n'y a pas eu de Noirs blessés, alors que nous avons eu environ 50 policiers blessés par les Noirs dans ces bagarres, alors qu'ils se déclarent être des non-violents. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans l'avenir, mais je pense que toute cette histoire est due à un groupe de personnes qui, avec le support du gouvernement fédéral, se sont dit « nous allons obtenir ceci ». Vous devez nous donner des avantages seulement parce que nous sommes des Noirs, non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que nous sommes des Noirs, nous allons l'obtenir. Si, comme le dit le maire Arthur Haynes, il n'y a pas eu de violence à Birmingham, Joyce Neely, une petite Noire de 16 ans, arrêtée par les policiers, n'est pas tout à fait du même avis. Elle nous dit ce qu'elle pense, elle, de la police de Birmingham. They are nasty, they are brutal, and they are just downright niggers. Ils sont mauvais, ils sont brutaux et ce sont les derniers des sauvages parce qu'ils considèrent les Noirs comme des chiens. Ce sont des brutes et ce qui se passe en ce moment à Birmingham, ce que les policiers ont fait subir aux gens de couleur, c'est uniquement de la brutalité policière à grande échelle. En prison, une jeune fille a été battue. Elle est tombée du haut d'un escalier. Quand je suis arrivé à la prison, une garde m'a dit « Écoute, sale nègre, tu ne vas pas rester ici longtemps, nous allons t'envoyer ailleurs. » J'ai quitté la prison pour enfants et suis allé à la prison municipale. Là-bas, on ne nous a rien donné à manger. Toute la journée, jusqu'au lendemain matin. À 4 heures du matin, on nous a fait lever, marcher jusqu'à 5 heures. Et là, la pitance que nous a servie n'était pas bonne pour un chien. William Lathrop est un modéré. Il a répondu en toute franchise à nos questions. Il nous exprime ses sentiments personnels sur cette affaire. Mon arrière-arrière-grand-père, il est une des 4 hommes qui a fondé la ville de Birmingham. Il y a de ça combien de temps, monsieur? Oh, 1870, je crois, à peu près. Et au fond de moi, vraiment, au fond de moi, j'aime mieux garder le status quo. Et moi, je suis optimiste. Je crois vraiment, dans l'avenir, tout va s'arranger. Mais écoutez, ça ne passe pas dans une semaine, un mois, une année. Ici, ça va prendre au moins... Oh, je ne sais pas, 5 années, 10 années peut-être. Mais nous n'en sommes encore pas là. Monsieur William Lathrop revient à ces derniers événements. Alors, dans cette dernière période, quand on a eu toutes les difficultés, il y avait à peu près 70 hommes de business. Les 70 hommes de business, c'est eux qui contrôlaient 80% de l'économie de cette ville-là. Moi, j'étais un membre de ce groupe. Et c'est nous qui avons fait les premiers pas vers le nègre, parce qu'il n'y a pas autre personne qui peut le faire, vous comprenez ça? Il y a une chose autre, je veux dire. Je suis un petit peu choqué, comme tous nos amis, à la réaction de la presse mondiale, la presse française, la presse même des États-Unis qui n'est pas d'Alabama. Vous avez vu la photo dans le journal de le chien qui a attaqué une petite nègre. Mais laisse-moi expliquer ça un petit peu. Nous avons eu ici 2050, 3000 nègres cette soir-là déjeuner. C'est une foule noire déjeuner. Ils veulent sortir dans la ville. Ils veulent sortir dans la ville. Et la police essayait de contenir dans un square. Parce que si toute cette foule noire sortait dans la ville déjeuner, où il y avait beaucoup de blanches, il y aura beaucoup, beaucoup de blanches et de nègres tués. Alors la police ici était magnifique. Les citoyens blancs étaient magnifiques. On essayait de contenir le nègre dans cette square. Alors quand le nègre a commencé à jeter le rocher, casser ce cordon, sortir dans la ville, à le dernier moment, la police a employé les jets d'eau, ils ont employé les chiens, mais les chiens étaient attachés aux lèches à la police. Et quand vous avez vu cette photo, le chien qui mord le nègre, alors pensez bien, c'est le nègre qui a attaqué d'abord la police. Et je vous demande, qu'est-ce que c'est mieux? Avoir quelques nègres mouillés, quelques nègres peut-être mordus, ou voir 50, 100 personnes tuées. Et une autre chose, on a employé le chien contre les blanches il y a 2 années, protéger le nègre. Nous ne sommes pas les barbares que les photos montrent dans tous les autres journaux du monde. Le révérend Martin Luther King, en plein milieu de cette crise, nous donne l'état d'esprit qui règne parmi les Noirs de Birmingham. I think there is a general feeling of hope in the Negro community. Je pense qu'il règne un sentiment d'espoir dans la communauté noire, un sentiment que nous venons de très loin et que nous avons un nouveau sens du respect de chacun. Mais je pense que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Cependant, tous ici, nous pensons que nous avons fait quand même un grand pas. En tout cas, je pense que le gouvernement fédéral a fait le nécessaire. Peut-être pourrait-il en faire plus en agissant, par exemple, de façon plus directe dans cette crise, mais au moins, le gouvernement a fait la preuve qu'il ne laisserait pas saboter l'accord passé entre Noirs et Blancs de Birmingham par des actions de force ou de violence. Not allow this agreement or these agreements to be sabotaged by forces of violence. À Birmingham, c'est dans les églises que se déroulent maintenant les plus grandes manifestations. Les chants religieux dont on a pour la circonstance changé les paroles sont une des armes pacifiques dans cette lutte contre la ségrégation. Freedom is coming, la liberté arrive, oh yes. There again, you ready? Là encore, vous êtes prêt, ou autrement, plus simplement, préparez-vous. Coming in to Birmingham, la liberté arrive à Birmingham. Oh, yes. La prière est la réponse à notre lutte. Le monde est à vous, le problème noir aux USA, reportage de Robert Seize, première diffusion sur France 3 le 2 juin 1963. France Culture, les années 60, aujourd'hui 1963. Rentrons en France pour passer quelques minutes avec une vedette toute gamine qui plus tard chantera son amour pour le folklore américain. L'émission est un paisible rendez-vous de divertissement, rien d'exagérément profond, mais elle est très sympathique, vous allez l'adorer, vous l'adoriez en 1963 avec ses couettes. Le disque des vedettes. Voici, en effet, le disque des vedettes, une émission de Georges Lourier, réalisée avec la collaboration de François Liénas et la participation épistolaire de tous les auditeurs ayant quelque chose à dire ou à demander à leur vedette préférée. Et cette vedette, aujourd'hui, se nomme Sheila. Bonjour Sheila. Bonjour. Jolie petite Sheila. Oh. Ça va? Ça va très bien, merci. D'ailleurs, je crois que je vais changer le générique. Le mot vedette préférée ne correspond pas exactement. Il faudrait dire idole préférée. Oh. Idole des jeunes préférée. Alors, nous continuons notre petit jeu du courrier. Oui, c'est très agréable. Nous continuons de répondre aux lettres de vos admirateurs, puisque au fond, il n'y a que des admirateurs. On n'a pas encore rencontré la lettre méchante que vous nous avez cependant promise. Oui, elle y est. Ça ne sera pas la lettre de Madame Chantal Larieux de Boulogne-sur-Seine, cette lettre méchante. C'est une lettre très gentille qui pose une question intéressante. Elle dit, avant d'être dans le métier, c'est-à-dire l'année dernière, quelles étaient vos vedettes préférées dans la chanson, Sheila? Eh bien, pour le moment, mes goûts n'ont pas changé. J'aimais Elvis Presley en Amérique, Brenda Lee. Et en France, j'aimais beaucoup Johnny, Eddie Mitchell. Petula Clark, je chantais ses chansons que j'aimais beaucoup. Oui. Et des gens comme Léo Ferré, Jacques Brel, Brassens, Bécaud, non? C'est différent, j'aime beaucoup Gilbert Bécaud, Brassens aussi, qui a beaucoup de talent. Léo Ferré, c'est un autre genre. Les auteurs de chansons à texte, comme on dit. C'est-à-dire que je crois que c'est pas ce que les jeunes... Non, ça ne vous enthousiasme pas. Admirent spécialement. Non, ils veulent plutôt le rythme. La fraîcheur, la gaieté. Je crois, oui. Est-ce que vous recevez beaucoup de chansons d'admirateurs qui voudraient les voir chanter par vous? Eh bien oui, je reçois pas mal de chansons, des jeunes qui m'écrivent. Et alors je dois dire, ce qui me surprend beaucoup, c'est que la plupart sont tristes. Des alors je comprends tristes, pas parce que... Enfin, moi, je sais pas, moi, je suis toujours gay, alors je comprends pas que des jeunes puissent être tristes. On m'envoie des chansons comme « Ne pars pas »,« Reviens »,« Pourquoi ?» Et alors, vraiment, c'est triste. Au fond, ils sont très romantiques, les jeunes. Oui, c'est drôle, mais il y en a quand même qui m'envoient des chansons un peu plus gays, heureusement. Est-ce que vous avez l'intention de choisir une de ces chansons pour votre prochain disque, non? Je ne sais pas, mais si un jour, il y en a une qui me plaît, qui est très jolie, bien sûr. Oui. Et je crois que là, ça va encourager énormément les gens qui vous en envoient. Vous allez être submergés la semaine prochaine. Bon, voulez-vous que nous écoutions un disque qui ne va pas faire du tout plaisir aux croulants qui sont à l'écoute? Hein? C'est Papa, t'es plus dans le coup. D'accord. Hein? Papa, papa, papa, t'es plus dans le coup. Ce qui est tout de même assez surprenant, c'est qu'aucun papa ne se soit manifesté pour réagir. Non, mais enfin, j'ai bien spécifié que dans cette chanson, je la chantais parce que c'était drôle. Oui. Mais que moi, enfin, en tous les cas, mon père est tout à fait dans le coup. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, oui, je lui ai appris dernièrement à danser le houli-gouli. Et vous connaissez beaucoup d'autres papas qui sont dans le coup? Je crois, oui. Non, c'est assez consolant. C'est assez consolant. Tenez, à propos d'âge, voici la lettre de M. Bertel. De Paris, oui. Qui vous dit ceci: j'ai 70 ans. Ah, oh là, oui. C'est un admirateur de 70 ans. Et, oui. Et un homme très gentil, vous allez voir. J'aime beaucoup les jeunes talents et le vôtre me séduit particulièrement. Vos chansons sont toutes fraîcheur et gentillesse et ma foi, je n'ai jamais rien entendu d'aussi charmant dans ma jeunesse. Ah, mais ça fait bien plaisir, c'est bien gentil. Je crois qu'on ne peut pas faire un plus joli compliment. Non, ça. Je voudrais vous demander si vous suivez très attentivement les parutions de disques nouveaux, surtout en ce qui concerne les jeunes talents, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une profusion absolument extraordinaire de jeunes. Ça pousse aux portes. Hein. Oh là là là là, mais c'est au poids presque qu'on trouve leurs disques, n'est-ce pas? Chaque semaine, il y a une vingtaine de noms nouveaux sur les catalogues, et je pense que peut-être vous suivez ça de très près, vous guettez la concurrence éventuelle. Eh bien oui, c'est-à-dire que je m'intéresse évidemment à ça, parce qu'il y a peu de temps, j'étais moi aussi derrière la porte. Dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas tout de même qu'il y en a un peu trop de ces jeunes chanteurs, de ces jeunes guitaristes, de ces ensembles? Évidemment, il y en a beaucoup maintenant. Je crois même qu'il y en a un peu trop. Alors, arrivé à une certaine période, il va y avoir un règlement de compte très dur. Un filtrage, disons, oh là là, une décantation. Oui. Et alors, il va y avoir beaucoup de déceptions à ce moment-là. Bah oui, évidemment, tout le monde ne pourra pas rester. C'est normal d'ailleurs, parce que ça en ferait trop, c'est pas possible. Et je sais aussi que vous avez des relations avec l'armée, avec les militaires. Ah oui, oui, oui. J'ai un régiment de militaires qui m'a écrit. Tout parce un que, régiment. Oui, parce que dans ma famille, il y a un capitaine. Et alors, ces militaires m'ont écrit en suppliant, Sheila, surtout, écris-nous en demandant au capitaine de ne pas nous faire raser les cheveux. Dis que tu préfères qu'on ait les cheveux longs, que tu ne trouves plus beau les cheveux longs, parce qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir les cheveux rasés. Oui, étant donné que ce capitaine fait partie de votre famille, il pense que vous avez quelque autorité sur lui. Oui, d'ailleurs, c'est absolument faux. Enfin, je ne sais pas comment que ça va se passer. J'espère pour eux, évidemment, que je vais réussir à avoir cette permission. Vous avez tenté déjà la démarche? Vous avez écrit au capitaine ou vous lancez l'appel aujourd'hui sur les ondes? Je vais lancer l'appel et écrire au capitaine. Oui, les deux. Ah oui. Alors, mon cher capitaine... Ah oui, soyez gentil. Oui. Laissez-leur leurs beaux cheveux. Je suppose qu'ils sont bouclés. Je voudrais savoir si lorsque vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, ou même dans un quartier de Paris que vous ne connaissez pas, et que vous passez devant la vitrine d'un disquaire, est-ce qu'immédiatement vous vous précipitez pour voir si vous êtes en vitrine? C'est-à-dire que non, je ne me précipite pas pour voir si je suis en vitrine. Mais enfin, ça m'arrive des fois de regarder. Si par malheur vous n'y êtes pas, et que Sylvie Vartan y est, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez le disquaire et vous faites un scandale? Non, je ne dis rien, bien sûr, il faut de la place pour tout le monde. Alors il y a certainement des endroits où il y aura Sylvie et pas moi, et un autre endroit où il y aura moi et pas Sylvie. Vous êtes assez philosophe, je trouve, quand même. Ben oui, il faut. Oui. Je crois qu'il faut prendre la vie du bon côté, sans quoi, si à partir du moment où on commence à regarder s'il y a plus Sylvie ou plus Françoise ou que moi, alors là, il y a de quoi se ficher à la scène, je crois. Jean-Pierre Lançon, de Lyon, vous écrit une toute petite lettre, une toute petite lettre minuscule, mais que je crois être la plus belle lettre de votre courrier jusqu'à maintenant, en tout cas. Ah bon ? Qu'est-ce que tu feras, Sheila, quand tu seras grande ? Ah, en effet. Ben, quand je serai grande, j'espère que je chanterai toujours. Parce que pour l'instant, vous ne vous pensez pas grande encore. C'est-à-dire que je suis grande de taille, je fais 1m70 presque, mais d'âge, je suis toute petite. Vous avez l'âge de votre acte de naissance, c'est ça, 16 ans. Ah non, mon cher, 17 ans. 17, et un c'est mois. Vrai. Oh là là, excusez-moi. Ne trichez pas comme ça. Vous verrez dans quelques années. Vous tricherez. On réécoutera ces émissions, on les rediffusera pour rétablir la vérité. Oui. Dont acte, cher confrère. Sur Terre, dans l'espace, c'est la guerre froide. On s'observe, on se provoque, on montre les dents, on recule, on prétend le contraire. Et un beau jour, on signe un traité, le traité de Moscou. Nous sommes le 27 juillet 1963. Le président Kennedy veut prévenir les critiques et bien montrer que ce traité, s'il ne constitue qu'un pas sur la longue route à accomplir pour le désarmement général, contribue à la réduction de la tension entre l'Est et l'Ouest. Mais écoutons notre correspondant Michel-Pierre Texier. Ce fut une allocution habile qui balayait les objections des adversaires du traité de Moscou sur l'arrêt des expériences atomiques et qui, avec toute la discrétion désirable, consacrait le mérite du président et de son gouvernement démocrate d'avoir su rompre le cercle vicieux de la course aux armements pour ouvrir un avenir meilleur aux jeunes Américains. Ce traité, a dit le président Kennedy, doit être un premier pas vers une détente mondiale durable, vers des accords sur le désarmement général, sur la limitation du nombre des nations atomiques. Car, expliqua-t-il, si dans un avenir prochain, de nombreux pays, grands, moyens ou petits, responsables ou non, stables ou agités, possèdent des bombes atomiques, et qu'une seule de ces bombes soit lancée intentionnellement ou accidentellement, une guerre généralisée menacera la Terre entière. Or, poursuit M. Kennedy, on a calculé qu'une guerre totale entre les États-Unis et l'Union soviétique, durant en tout 60 minutes, pourrait tuer 300 millions d'Américains, d'Européens, de Russes. Et les survivants, dit M. Kennedy, en citant M. Khrushchev, pourraient bien envier les morts. Il faut donc persuader les autres pays de ne pas augmenter les risques. Le traité, précisément, invite toutes les nations à renoncer solennellement aux essais nucléaires. Il vise aussi à empêcher une pollution de l'atmosphère qui, pendant des générations, pourrait déformer, mutiler et tuer lentement nos petits-enfants. Et s'adressant aux détracteurs américains de l'accord de Moscou, qu'on ne dise pas qu'ils paralysent notre défense et menacent notre sécurité. Nous sommes conscients des possibilités de violation par des explosions dans les espaces cosmiques, mais nos moyens de détection en alerte permanente ne laissent aucune chance de tricher deux fois. La moindre violation signifierait pour nous la rupture du traité, mais nous n'y croyons pas, car il y va de l'intérêt de tous les signataires. En réalité, les risques de guerre, de pollution de l'atmosphère, sont infiniment plus grands que les risques que nous prenons pour notre propre défense militaire. J'espère donc, dit le président, que la nation et le Congrès approuveront les accords de Moscou. Ce n'est qu'un début, un premier pas vers la raison, un pas en arrière de la guerre, mais la route est longue. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. My fellow Americans, let us take that first step. Let us, if we can, step back from the shadows of war. Seek out the way of peace. Pour nous éloigner des ombres de la guerre et chercher le chemin de la paix. Si le voyage dure 100 000 ou plus, témoignons devant l'histoire qu'aujourd'hui, nous, Américains, avons fait ce premier pas. Ici Michel Texier, Washington. On a dit hier l'espoir qu'avait soulevé dans le monde ce traité nucléaire. On s'en félicite aux Nations Unies, on s'en félicite au Vatican. La Radio Vatican considère que cet accord est un premier pas sur la voie de la paix, la seule, ni facile, ni brève, qui s'offre aux responsables des nations en harmonie avec l'aspiration profonde et universelle du genre humain. On s'en félicite à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, où M. Sen, directeur général, a proposé que les économies rendues possibles par l'arrêt des essais nucléaires soient affectées au soulagement de la faim dans le monde. Et cela sans parler des déclarations d'hommes politiques, qu'ils soient de l'un ou l'autre camp, ou qu'ils soient neutres comme le président Nehru. Quand meurent les vedettes, lui, l'artiste universel qui a tous les talents, elle, la chanteuse, tout simplement. Octobre 1963, les actualités. Jean Cocteau, en effet, est peut-être un des rares écrivains de notre époque qui est occupé depuis plus d'un demi-siècle avec tant de constance et de bonheur le devant de la scène en France et à l'étranger. Il a tout fait, avez-vous dit, aussi Jean Cocteau connaissait d'innombrables personnes. Et nous avons bien sûr plusieurs témoignages à vous présenter. D'abord celui de Serge Liffard. Serge Liffard, il y a combien d'années que vous connaissiez Jean Cocteau? Je connais Jean Cocteau exactement depuis 40 ans. Des premiers jours de mon arrivée en France, à Monte-Carlo, j'ai rencontré Jean Cocteau dans les sillages de Serge de Diaghilev. Donc avec cette terrible nouvelle par laquelle je suis frappé aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une époque qui s'en va. Je me rappelle que Jean Cocteau était entouré par Darius Milhaud, par Georges Auric, par Sauguet, par Honegger, par Roussel, par tous ces grands musiciens. Et aujourd'hui, donc, voilà, nous sommes dans les situations vraiment des orphelins. Qu'est-ce que, pour vous, représente Jean Cocteau pour la danse, notamment? Et Jean Cocteau, qui était depuis 1912 déjà au ballet russe, c'est lui qui a connu les premiers ballets russes. Il a connu Nijinsky, Pavlova, et même il a écrit déjà un scénario avec Reonaldo Hahn, n'est-ce pas? Et voilà, depuis, il a resté fidèle à la danse. Et si on peut dire que nous avons perdu notre, ce qu'on appelle guide spirituel de la danse, on peut nommer Jean Cocteau. Voici maintenant le témoignage de Georges Neveu. Georges Neveu, naturellement, qui faisait partie de l'époque héroïque du Cocteau poète, du Cocteau surréaliste. On est déchiré par cette nouvelle. Le 1er janvier de l'année dernière, il avait eu déjà une première alerte. Il avait subi ce jour-là un grand choc cardiaque, un semble infarctus. Et comme il se trouvait seul dans sa maison de Milly, il a pu vivre minute par minute cette espèce de répétition générale de sa mort. Ce sont les mots qu'il a employés en me racontant cette journée où il se sentait mourir lentement, précisément. « Je sais maintenant qu'elle peut venir, disait-il, elle ne m'étonnera plus. » Eh bien, il avait vraiment vécu la mort d'avance comme un poète, c'est-à-dire en la transposant dans son univers à lui. Car je ne connais pas d'homme qui ait été à la fois aussi simple et aussi extraordinaire. C'est un immense poète de la vie qui vient de nous quitter. Georges Neveu vient d'évoquer le Cocteau poète. Eh bien, Jean Cocteau, écoutez-le lui-même chanter sa propre mort. « Lorsque je serai mort, je vivrai d'acte en acte ma défunte vie à tâtons, dans cette obscurité de science inexacte que veulent fouiller nos bâtons. Je vous verrai chercher à surprendre par ruse le monde où je loge en secret, cherchant moi-même à fuir cette zone confuse, sans rien savoir de ce qu'elle est. Si, dans ce monde-là, je découvre une porte ouverte sur le monde humain, vous aurez peur de voir une personne morte, et je rebrousserai chemin. » D'autres hommages, Micheline Sandrel, mais ceux-ci rendus à Édith Piaf, qui, je le rappelle, est morte ce matin à 7 heures. La longue lutte qu'elle menait contre la mort, avec le plus enthousiaste des entêtements, avec la plus incroyable des volontés de vivre, avec un courage miraculeux qui la faisait, après chaque rechute, retrouver la force de se tenir debout au milieu d'une scène et de chanter une fois encore. La longue lutte s'est terminée ce matin à 7 heures, mais depuis 2 heures, Édith Piaf ne savait plus qu'elle luttait. Pourtant, avant, elle avait parlé encore de chansons. Elle a fait jusqu'à la fin des projets. Elle a jusqu'à la fin voulu le bonheur. Elle chantait « Je ne regrette rien ». Elle pourra en effet penser qu'elle a aidé beaucoup de gens. Beaucoup se souviendront, avec émotion, de l'encouragement qu'elle leur a apporté, ainsi Bourvil. J'ai passé en 1942 chez Carrère, et elle venait en cliente. Et je me rappelle, elle riait très bruyamment avec tout son cœur. Et l'année d'après, en 1943, elle passait dans un cabaret qui s'appelait La Vie en Rose, rue Pigalle. Elle m'avait inscrit à son programme. Et cette aide sympathique qu'elle m'avait apportée m'avait beaucoup touché. Je l'ai rencontrée au printemps dernier, dans un spectacle de Raymond Devos. Je lui serre la main. Et ce jour-là, je ne pensais pas que c'était la dernière fois. C'est bien triste. Sous le ciel crasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin, dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, je n'ai vu que lui, lui, l'homme de Berlin. Étrangère à Berlin, où je venais d'arriver, quand on n'attend plus rien, quand on veut tout changer, Berlin vaut bien Berlin. Moi, il m'en faut peu pour croire dans la vie que tout peut changer, et pourquoi pas lui, lui, l'homme de Berlin. Je me voyais déjà aimé pour la vie, je recommençais tout, c'était avec lui, lui, l'homme de Berlin. Ne me parlez pas de hasard, de ciel, ni de fatalité, de prochain retour, ni d'espoir, de destin, ni d'éternité. Ne me parlez pas de Berlin, puisque Berlin n'est rien. Ciel grâce qui pleurait d'ennui sous la petite pluie qui tombait sur lui. Lui, l'homme de Berlin, je l'ai pris pour l'amour, c'était un passant, une éternité de quelques instants. Lui, l'homme de Berlin, car lui, l'homme de Berlin, cherchait aussi l'oubli. Il est parti trop loin, car pour user sa vie, il n'y a pas que Berlin. Dans chaque visage, je ne vois que lui, et dans chaque nuit, je dors avec lui. Lui, l'homme de Berlin, sous quel ciel grasseux passe-t-il sa vie, et dans quel Berlin traîne-t-il sa vie? Lui, l'homme de Berlin. Mais y'a pas qu'un homme dans ce foutu pays, ici ou ailleurs, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, que lui, lui. France Culture, les années 60, 1963, dans les archives de l'INA. Quoi de neuf dans le théâtre en 1963? Réponse classique et attendue, Molière. Eh bien non, en cette fin d'année, l'actualité c'est Beckett, du moins pour Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, sans compter leurs problèmes de grandes et de petites salles. Mesdames et messieurs, jamais les coulisses du Théâtre de France n'ont été aussi animées qu'aujourd'hui et qu'en ce moment. C'est que, à côté du travail normal que nous avons, qui consiste à monter des pièces nouvelles et à présenter les pièces que nous avons dans notre répertoire, nous avons un travail supplémentaire qui consiste à aménager la salle du Théâtre de France en une petite salle. Oui, il y a une chose nouvelle qui va se passer demain au Théâtre de France. Nous allons inaugurer la petite salle du Théâtre de France. En faisant cela, nous croyons suivre notre ligne. Jadis, quand nous étions au Théâtre Marigny, nous avions réussi à construire à côté de la grande salle du Théâtre Marigny le petit Marigny, une petite salle de 200 places, qui nous avait permis de présenter les premières œuvres de Georges Chadet ou de Vautier, ou bien de présenter les premiers concerts du domaine musical dirigé par Pierre Boulez. Nous voulions retrouver ce cadre plus restreint pour nous permettre de présenter des œuvres, disons, d'avant-garde, et plus généralement des œuvres d'auteurs modernes ou d'auteurs nouveaux. Ces choses faites, demain, nous allons inaugurer cette salle. Et pour cette inauguration, nous avons choisi la toute dernière œuvre de Samuel Beckett, « Oh, les beaux jours ». Bien, je vous dirai d'abord que lorsque Roger Blin est venu m'apporter la dernière pièce de Samuel Beckett, j'ai été très émue parce que, naturellement, j'avais une admiration sans borne pour Beckett, dont je connaissais l'œuvre tout entière. Et une fois avoir lu cette pièce, j'ai considéré que Roger Blin, en me l'apportant et en me désignant comme interprète à Beckett, me faisait un immense cadeau. Cadeau que l'on peut faire rarement à une comédienne, parce que Dieu sait que j'ai joué des beaux rôles et Dieu sait que je lis des pièces, mais je ne crois pas avoir jamais lu une pièce d'un homme qui sache si bien analyser toutes les sensations d'une femme, de son cœur, de sa chair, de son esprit, de ses défaillances, de ses faiblesses et de sa force. Je ne crois pas qu'on puisse voir cette pièce, on l'aimera plus ou moins, moi je la considère comme une très grande œuvre. Mais je ne crois pas qu'une femme puisse être témoin de cette pièce sans être bouleversée. Vous voyez, je le dis en toute simplicité. Vous avez déjà joué, vous avez déjà donné des représentations de cette pièce, oui, en Italie, je crois. Le Festival de Venise nous avait demandé de la jouer en Italie. Et je n'ai pas pensé que c'était faire du tort aux Parisiens que de leur donner après Venise. Cela nous a permis de mesurer la portée de cette pièce. Et je dois dire que nous avons reçu un accueil des plus réconfortants. Le public italien et la critique italienne a fouillé vraiment l'œuvre de Beckett d'une façon extraordinaire, avec des analyses tout à fait poussées, tout à fait profondes. Et le public a réagi vraiment avec une sensibilité qui nous a beaucoup encouragés. Mais vous savez, on est encouragés, puis on a un trac supplémentaire, parce qu'on se dit, mon Dieu, pourvu que ça marche aussi bien à Paris. Bien sûr. Et alors, en tant qu'interprète du rôle principal, du rôle, on peut dire, de la pièce, quelle impression cela vous fait? C'est la première fois que vous êtes mis devant cette situation d'être seul pratiquement du début jusqu'à la fin. Oui, au point de vue œuvre théâtrale, c'est la première fois. Il est bien évident que quand vous donnez un récital de poésie, que ce soit à la télévision ou sur une scène, vous avez ce phénomène d'isolement. Mais cela ne dure pas toute une soirée. Et puis là, vraiment, c'est, je vous dis, la mise à nu d'un cœur et d'une âme de femme. Et évidemment, avec une progression, une ampleur qui vous étreint et qui vous bouleverse. Et puis il y a le fait de se dire, est-ce que je suis digne de cette œuvre? Est-ce que je la sers totalement? Est-ce que je ne trahis rien? Mais j'ai eu le bonheur non seulement de travailler avec Roger Blin, dont je ne vous parle pas de l'intelligence qu'il a des grands textes et principalement de ceux de Beckett, mais avec l'auteur lui-même. Et Samuel Beckett ne m'a pas quitté. Nous avons été un mois et demi ensemble. Nous avons travaillé vraiment cœur à cœur. Et ça a été pour moi un éblouissement. Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. J'en sais rien, viens de moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main. C'était les années 60, aujourd'hui 1963, deuxième émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage Marie-Dominique Bougot, une émission de Philippe Garbi, réalisée par Annie Douel. À suivre.